بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le premier cours dans l'explication d'un livre qui est extrêmement bénéfique, بإذنالله. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il le rende pour nous bénéfique et qu'on puisse en profiter parce que c'est un livre vraiment important. Particulièrement Yani, c'est-à-dire tout le monde peut profiter de ce livre, qu'il soit avancé dans la aqida ou qu'il soit débutant. Mais le but de l'enseignement de ce livre aujourd'hui, c'est spécifiquement et particulièrement pour les frères débutants dans la connaissance de la aqida. Parce que c'est un livre qui est simplifié pour les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans les questions de la aqida et pour la connaissance de l'islam. La aqida, c'est la croyance fondamentale et les dogmes fondamentaux de la croyance islamique et de l'islam que tout musulman doit connaître et doit comprendre obligatoirement. Et c'est la priorité pour chaque musulman de connaître ces choses-là. Et c'est justement le titre du livre. Parce que le livre s'intitule « Al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima ». Ça veut dire que c'est les obligations dont la connaissance est nécessaire et extrêmement importante à chaque musulman et musulmane. Donc tout le monde doit connaître les choses qui sont mentionnées dans ce livre. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un jeune ou un vieux, que ce soit yani, un petit ou un grand, tout le monde doit connaître ce qu'il y a dans ce livre-là. Et personne n'est excusé d'ignorer ce qui est mentionné et ce qui est enseigné dans ce livre. Parce que ça fait partie des bases et des fondements de la croyance islamique. Et si quelqu'un n'a pas compris ces fondements-là et ces principes-là, il n'a rien compris de l'islam. D'accord? Même s'il a un doctorat en sciences islamiques, s'il ne comprend pas et s'il n'a pas bien assimiler les principes qui sont enseignés dans ce livre, il n'a rien compris de l'islam. Même s'il a un doctorat d'une université, parce que malheureusement, dans certaines universités islamiques, la aqida qui est enseignée, c'est malheureusement pas la aqida de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Il y a certaines universités, par exemple, si tu vas en Égypte, tu vas aller en Turquie, tu vas aller dans certains pays du Maghreb, ou bien tu vas aller dans certains pays en Asie, au Pakistan ou en Turquie. Les sciences islamiques qui sont enseignées là-bas et la aqida qu'ils enseignent dans ces universités-là, ce ne sont malheureusement pas les croyances d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Souvent, c'est des croyances mélangées avec des différentes croyances de différentes sectes. Des Ash'ara ou Ash'ariya, ou des Maturidiyah, des Diobandiyah, ou de d'autres voies. Et ces gens-là se prétendent souvent même faire partie des gens de la Sunna, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les gens de la Sunna pour de vrai. Donc il faut connaître, il faut apprendre pour être capable de distinguer entre le vrai et le faux dans ces questions-là. Donc l'auteur de ce livre, c'est le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qar'awi. Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qar'awi. Et en réalité, l'auteur de ce livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris différents livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il les a rassemblés dans un recueil, mais il les a aussi simplifiés et résumés. Il les a mis ensemble dans ce livre. D'accord? Donc, la plupart de qu'est-ce qui est enseigné dans qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui, dans les cours qu'on va faire sur ce livre-là, c'est tiré des écrits du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, un grand savant parmi les savants de la Ummah. Et Donc c'est ce cheikh qui s'appelle Abdullah ibn Ibrahim. Et il y a une note qui est mentionnée au début dans l'introduction de l'éditeur et qui mentionne que yani ici il dit أحب أن وأحب أن ننبه أن ننبه طلبة العلم الناشئين وفقهم الله أنه يعني أن الشيخ عبد الله ابن إبراهيم القرعاوي هو طالب علم من بمدينة بريدة يعني طالب علم من مدينة بريدة هو الذي يعني c'est lui qui a rassemblé ces écrits là. C'est un étudiant en sciences de la ville de Buraïda. C'est lui qui a réuni ces écrits-là de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui les a résumés, qui les a mis ensemble dans ce livre. Sauf que, parfois, les gens peuvent confondre avec ce Cheikh et le grand Cheikh, al-Da'iya, al-Salafi, al-Muslih, Abdullah ibn Mohammed ibn Hamad al-Qar'awi. D'accord? Donc, il y a un autre cheikh qui s'appelle Abdullah al-Qara'awi aussi, mais ce n'est pas le même. Parce qu'il y a le cheikh qui a écrit ce livre qui s'appelle Abdullah, fils de Ibrahim al-Qara'awi. Tandis que le grand alim, le grand cheikh qui est connu, qui est justement le cheikh de cheikh Ahmed al-Najmi, celui qui fait le sharh de ce livre qu'on va expliquer, ce cheikh s'appelle lui Abdullah, fils de Mohammed, fils de Hamad al-Qara'awi. Donc, ce n'est pas le même que l'autre cheikh qui s'appelle Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi. D'accord? Donc, il faut savoir cette chose-là. Parce que l'imam al-Qara'awi, celui qu'on appelle le cheikh Abdullah ibn Mohammed ibn Hamad, le cheikh du cheikh Ahmed al-Najmi, lui, il a yani, étudié en Arabie avec des grands ulama. Après, il a étudié en Inde. Il est revenu en Arabie, il a ouvert plusieurs écoles dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il a enseigné à plusieurs élèves et de tous ses efforts dans la da'wah et dans la propagation du Coran et de la Sunna, on a vu sortir des grands savants et des grands élèves. Et parmi ces grands savants, le cheikh Ahmed al-Najmi. Hein? Donc, aussi le cheikh Zayd al-Madkhali et d'autres également. Donc, il ne faut pas confondre entre les deux. D'accord? Et il dit وَقَدْ قَامَ الْمُصَنِّفُ وَفَقَهُ اللَّهُ بِجَمْعِ مَتْنِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُفِيدَةِ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ كَلَامِ أَحْفَادِهِ مِنْ مَنْثُورِ كَلَامِهِمْ فِي كُتُبِهِمْ وَرَسَائِلِهِمْ Rahimahumullah ajma'in. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur Abdullah ibn Ibrahim, Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé plusieurs écrits du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ainsi que des propos de ses petits-fils qui ont expliqué ses écrits et ses livres parmi les ulama et les shuyukh qui ont été, yani, actifs dans la da'wah et dans la science et qui ont propagé cette science. Et donc, il a profité de ces écrits-là et les a rassemblés et réunis dans ce livre. Et, alhamdoulilah, plusieurs élèves de science et plusieurs savants ont profité de ces écrits-là et de ces résumés-là et ils les ont enseignés et expliqués. Et parmi les ulama en question, le cheikh Ahmed al-Najmi. Maintenant, Cheikh Ahmed al-Najmi, il fait partie d'un grand nombre de ulama qui viennent du sud de la péninsule arabe, proche de la région du Yémen. Donc, il vient du sud de l'Arabie, près du Yémen. Et il faisait partie d'un grand comité de savants de sa région. Et parmi ces grands savants, le Cheikh Zayd al-Madkhali, et il y en a plusieurs autres également qui sont également très connus. Et le cheikh Ahmed al-Najmi, il a également écrit plusieurs livres. Il était dans le sud de l'Arabie considéré comme le savant mufti de la région. C'est vers lui que les gens revenaient pour poser des questions, pour connaître bien la religion et des choses de ce genre. Il a écrit de nombreux ouvrages, le Cheikh Ahmed al-Najmi, celui qui explique le livre qu'on va expliquer aujourd'hui. Entre autres, il a expliqué le livre de Kitab al-Tawhid. Et il a un livre qui a été publié justement, le Sharh de Kitab al-Tawhid. Le Sharh aussi du livre Kashf al-Shubuhat. Le Sharh de Al-Usul al-Thalatha. Il a aussi des livres dans le fiqh, comme Kitab Mukhtasar al-Insaf et Sharh al-Kabir. Il a aussi l'explication de Al-Qawa'id al-Arba'a. Ça, c'est un livre qui est connu aussi dans les textes qu'on étudie pour les débutants dans la croyance, dans le Tawhid. C'est un petit livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est très bénéfique aussi. Et on a déjà enseigné ce livre-là également, et même celui de Cheikh Ahmed al-Najmi, je crois qu'on l'a déjà expliqué. Un autre livre qu'il a expliqué, c'est le livre Usul al-Iman, qu'on est en train d'expliquer le vendredi avec le livre de Cheikh Al-Fawzan, qui est très bénéfique aussi. Un autre livre également, Fadl al-Islam, qu'on a expliqué également avec les explications de différents chouyours, entre autres Cheikh Al-Fawzan. Un autre livre qu'on a expliqué aussi du Cheikh Al-Fawzan avec ce charh du livre de Masa'il al-Jahiliya. Tous ces livres-là, c'est des ouvrages du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab expliqués par différents savants. Il a un livre aussi qui est un résumé de As-Sira. Donc ici, c'est un livre. En fait, je pense ici, c'est les ouvrages du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, entre autres. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'est les ouvrages du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça, c'est les livres certains livres qu'il a écrits, il y en a beaucoup d'autres. Tandis que le Cheikh Ahmed al-Najmi, lui, il a fait le charh de certains de ces ouvrages-là. Donc je voulais pas lire toute la biographie du Cheikh Ahmed al-Najmi parce que elle est assez longue. Et nous, on voulait rentrer le plus rapidement possible dans le texte. Mais juste pour dire que actuellement, on voit que le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, il est décédé dernièrement. Ça fait quelques années seulement qu'il est décédé, en 1429 de la Hijra, rahimahullah. Donc, le Cheikh, quand je me rappelle, il y a quelques années, en arrière, à peu près une vingtaine d'années en arrière, il donnait des fatwas, il donnait des durus, il enseignait, il était très très actif dans la da'wa, et il était une référence pour tous les frères salafis dans le monde entier pour demander des questions sur les sujets de manhaj, sur les questions de aqidah, sur les sujets de fiqh et beaucoup d'autres sujets. Donc on est actuellement en 1442, d'accord, et le cheikh il est décédé en 1429, d'accord. Donc il y a 1430, ça fait à peu près 13 ans qu'il est décédé, rahimahullah. Donc il a continué dans sa da'wa jusqu'à la fin de sa vie, et il a été très très actif. Il a des livres, comme j'ai expliqué, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres, entre autres ce livre-là qu'il a expliqué. Donc on va commencer tout de suite avec l'explication, premièrement, dans Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, Al-Ma'rifa. Le premier sujet qui est abordé, c'est Al-Usul al-Thalatha, allati yajibu ala kulli muslimin wa muslima. Donc les trois fondements qui sont obligatoires à tout musulman et à toute musulmane d'étudier et d'apprendre. Et c'est quoi ces trois fondements-là? Eh bien, les trois fondements, c'est très simple en réalité, c'est les trois réponses qu'on doit connaître et qui nous c'est les réponses qu'on doit connaître aux questions qui nous seront posées dans la tombe lorsqu'on meurt. Lorsqu'on va être enterré et qu'on va dans notre tombe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué que les anges vont venir. Il y a deux anges qui vont venir dans notre tombe, et ça, c'est Munkar et Nakir. Et ces deux anges, ils vont nous poser trois questions. La première question, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? La deuxième question, quelle est ta religion? Et la troisième question, qui est ton prophète? Et selon les réponses que tu vas donner, c'est ça qui va déterminer si tu vas être dans une bonne situation, dans l'au-delà, ou non. Dans le sens que tu vas répondre selon ce que tu as connu, selon ce que tu connaissais et selon ce que tu avais comme croyance et comme foi sincère dans ton cœur, selon ce que tu croyais dans ce bas monde. Si ta croyance et ta connaissance étaient véridiques et sincères, tu vas répondre comme il faut. Mais si ta connaissance n'était pas sincère et si tu n'avais pas la bonne connaissance, tu ne vas pas savoir répondre à cette question. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les hypocrites, quand on va leur poser ces questions, malgré que dans ce bas monde, ils disaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qu'ils sont musulmans, eh bien, à ce moment-là, quand les anges leur poseront la question, ils ne sauront pas répondre. Ils vont dire la adri. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la réaction de ces gens-là dans leur tombe au moment où les anges leur posent la question. Et ils vont dire ils vont dire, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai dit moi aussi. J'ai répété. C'est-à-dire qu'ils répétaient cette parole, mais ils ne l'avaient pas compris réellement. Ils ne croyaient pas réellement en sa signification. Et ça va être donc la situation des gens parmi les musulmans, dans cette Ummah, qui ne faisaient que répéter. Qu'est-ce que les gens répètent autour d'eux, dans leur société, dans leur tradition? Ils prenaient la religion comme une coutume, mais ils n'y croyaient pas avec conviction, ils ne croyaient pas avec certitude. Et ils ne faisaient pas non plus beaucoup d'efforts pour essayer de la connaître, cette religion-là. Et c'est le cas de beaucoup de musulmans, malheureusement, qui ne font que suivre qu'est-ce que les autres font. Ils voient des gens autour d'eux, comment ils font, ils font la même chose, et puis ils disent « je suis musulman ». Sans chercher à vraiment comprendre par eux-mêmes la réalité de cette religion, qu'est-ce que c'est, et de l'étudier à partir de ses fondements et de ses principes, c'est-à-dire avec les preuves du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la compréhension des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il explique et il dit « wa hiya ma'rifatu al-abd rabbahu ». معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc les trois fondements, c'est la connaissance du serviteur de son Seigneur, de sa religion et de son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Après le cheikh il dit فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Donc si on te pose la question, qui est ton Seigneur? Si quelqu'un vient et te pose la question, c'est qui ton Seigneur? Qui est-ce que tu adores? C'est qui ton Dieu? Alors tu réponds, tu dis, mon Seigneur c'est Allah, mon Dieu c'est Allah, celui que j'adore c'est Allah, celui qui m'a créé et qui me donne la subsistance, et qui me fait vivre, et qui va me faire mourir, et qui contrôle tout l'univers, et qui contrôle tout par sa grâce. Et c'est lui, ma divinité, c'est lui que j'adore. Et je n'ai rien que j'adore en dehors de lui. Il n'y a rien que j'adore en dehors de lui. Il n'y a personne, ni quoi que ce soit que j'adore, autre que lui. C'est lui seul que j'adore. C'est à lui seul que je voue toutes les formes d'adoration de façon exclusive. Je n'adore rien que lui. Et maintenant, ça c'est la réponse à la première question. Qui est ton Seigneur? La deuxième question, hein? إِذَا قِيلَ لَكَ مَا دِينُكَ فَقُلْ دِينِي الْإِسْلَامِ وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والانقياد بالتوحيد والانقياد وبالطاعة والبراء من الشرك وأهله ديني الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد وبالطاعة والبراء والبراء من الشرك وأهله. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et si on me pose la question, quelle est ta religion? Voici ce que tu dois répondre. Ma religion, c'est l'islam. Et il explique ensuite, qu'est-ce que c'est l'islam? Il dit, l'islam, c'est al-istislamu lillahi. Al-istislam, ça veut dire le fait de se soumettre à Allah, azza wa jal, par son tawhid, c'est-à-dire par la foi en son unicité. Hein, le fait que tu voues ton adoration que à lui et que tu crois en lui que, comme étant le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre et qui fait mourir et le seul qui contrôle tout ce qui existe. Et en croyant en lui dans tous ses noms et ses attributs et en, ses, hein, en la perfection de ses noms et de ses attributs, et que personne n'est équivalent à lui ou semblable, hein, ou égal, et rien ne lui ressemble. Hein? Donc, ça c'est al-istislam lillah bit-tawhid. Tu te soumets à Allah en acceptant son unicité et en te soumettant à lui par ton obéissance également, en obéissant à ses ordres et en t'écartant de ses interdictions. C'est ça la définition générale de l'islam. Mais c'est pas tout. Il y a également un autre élément à l'islam, un autre élément qui définit l'islam de façon fondamentale, et c'est de te désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Qu'est-ce que c'est le shirk? Le shirk, c'est tout ce qui est tout le fait d'offrir à autre que à Allah une forme d'adoration quelconque, ou de donner, ou d'offrir à autre qu'Allah quelque chose qui fait partie de ses droits exclusifs. Donc c'est soit d'offrir à quelqu'un ou à quelque chose en dehors d'Allah une adoration quelconque. Donc si tu fais ça, comme prier, comme faire un sacrifice, comme par exemple avoir l'amour et la crainte et l'espoir en autre que Allah, mettre ta confiance en autre que Allah, en une idole ou en une chose, ou en une créature quelconque parmi les créatures. En fait, le shirk, c'est d'adorer une créature au lieu d'adorer le créateur. Ou de passer par une créature au lieu d'adorer le créateur directement. Parce qu'il y en a des gens, ils disent, on adore le créateur, sauf qu'il passe par une créature comme un intermédiaire ou un intercesseur pour atteindre le Créateur. Et ça représente aussi une forme de shirk. D'accord? Donc, le shirk, c'est d'offrir à quelque chose ou à quelqu'un autre que Allah une forme quelconque parmi les formes d'adoration, ou bien de donner à une créature un attribut ou un nom qui est exclusif à Allah. Ou bien également, ça peut être le fait de donner à Allah des partenaires et des associés dans la création et dans le contrôle de l'univers. Ça aussi, c'est une forme de shirk. Et ça représente du shirk dans les trois différentes catégories du tawhid qu'on va voir plus loin. Donc, la définition de l'islam, je répète la traduction de façon générale, la définition qui est mentionnée ici, c'est de se soumettre à Allah par son tawhid, par son unicité, et par son obéissance, et de se désavouer du shirk, c'est-à-dire de se désavouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de déclarer qu'on n'a rien à voir avec cette chose et qu'on le rejette totalement. C'est ça, al-bara'a. C'est ça le fait de se désavouer. Hein? De désavouer quelque chose, ça veut dire, tu dis, moi, j'ai rien à voir avec cette chose. J'ai rien à voir avec le shirk. C'est-à-dire, tous ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, ou quelqu'un en dehors d'Allah, ou quelqu'un avec Allah, on se désavoue de ce qu'il fait, et on se désavoue de sa personne également, et de tous ceux qui le font avec lui. D'accord? Donc, ça, c'est une part importante de la définition du tawhid qu'on appelle al-wala ou al-bara, c'est-à-dire de se désavouer du shirk et des mushrikines. Et on va voir un petit peu plus tard avec le sharh qu'est-ce que ça signifie avec l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi. Ensuite, la troisième question, qui est ton prophète? Il dit wa idha qila lak man nabiyuk, qui est ton prophète? Faqul Muhammadun ibn Abdillah ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل السلام والتسليم. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et si on te pose la question, qui est ton prophète? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim. Ça, c'est les trois premiers, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses trois descendants. Pères, hein, si on veut. Donc, Abdullah, c'était le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son grand-père, c'était Abdul Muttalib, et son arrière-grand-père, c'était Hashim. D'accord? Donc, ça, c'est la généalogie. Le début de la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et Hashim, il était un des pères de la tribu de Quraysh. D'accord? Donc c'était l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était de la tribu, parmi les tribus arabes qu'on appelle la tribu de Quraysh, qui était la tribu la plus noble parmi les tribus arabes de l'époque. Et la tribu de Quraysh fait partie des tribus des Arabes. Hein? Et les Arabes sont les descendants de Ismaïl, le fils de Ibrahim, le prophète Abraham et son fils Ismaïl. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc relié avec le prophète Abraham. Il est descendant d'Ibrahim alayhi salam par son fils Ismaïl, qui est le père des Arabes. D'accord? Donc, ça, c'est notre prophète. Le prophète Mohammed, c'est le fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim, il fait partie de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes sont les descendants de Ismaïl, le fils d'Ibrahim, hein, qui était le père des prophètes. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des prophètes. Alayhim as-salat wa salam. Donc ça, c'est le texte, hein, tiré de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Sauf que, il y a des détails à clarifier sur cette explication-là, et c'est ça qu'on va lire maintenant avec les propos du Cheikh Ahmed al-Najmi, qui va donner quelques petits détails sur ces points-là. Et c'est des points extrêmement importants. Donc, le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, il dit, « قال المصنف رحمه الله الواجبات المتحتمات المعرفة أي التي لا يجوز لأحد التهاون فيها أو التساهل بتعلمها. » Donc, le Cheikh, il explique que, premièrement, le titre du livre qu'on explique maintenant, en passant le charh de Cheikh Ahmed al-Najmi, le cheikh il a intitulé son charh Fathur Rabb al-Ghafur dhir-rahma fi charh al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. Donc Fathur Rabb al-Ghafur dhir-rahma, ça c'est deux noms parmi les noms d'Allah, hein, ou bien plutôt même trois, parce que Ar-Rabb c'est un des noms d'Allah, le Seigneur. Al-Ghafour, c'est le pardonneur. Dhur-Rahma, hein, c'est celui qui détient la miséricorde. Donc, le détenteur de la miséricorde. Donc, Fath, ça veut dire victoire. Et ça peut aussi vouloir dire yani l'ouverture. Hein. Et donc, ici, on parle de ce livre qui est intitulé l'ouverture, parce que les savants, quand ils donnent un livre un titre à leur livre, souvent ils prennent ce genre de titre dans lequel il y a une rime aussi. Et on voit que la première partie du livre, la première partie du titre, elle rime avec le titre du livre lui-même. Le sharh s'appelle Fathur Rabbil Ghafur Idhir Rahma fi sharh al wajibat al mutahattimat al ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Donc il y a comme une rime avec ar-rahma, ma'rifa et muslima. Donc c'est ça, des titres comme ça, on voit ça souvent dans les écrits des savants de l'islam. Et donc le titre lui-même, comme on a expliqué, c'est les obligations qui sont mutahattimat, ça veut dire, quand on dit hatman, ça veut dire quelque chose qui est certain, quelque chose qui est inévitable, quelque chose qui est très important, quelque chose que tu n'as pas le droit de ne pas le savoir. C'est ça que le cheikh explique. Il dit, c'est des obligations dont la connaissance, personne n'a le droit de les ignorer, personne n'a le droit de négliger ou de prendre à la légère cette connaissance-là. Et il dit ensuite, وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. C'est-à-dire, cette connaissance qui est fondamentale, c'est que le serviteur doit connaître qui est son Seigneur, quelle est sa religion et qui est son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est des choses, n'importe quel musulman, tu lui demandes cette question, il va dire, mais moi je connais ça déjà. Hein? Sauf que tu lui demandes, oui, mais est-ce que tu les connais avec les preuves? Est-ce que tu es capable de me citer les preuves à propos de chacun de ces points-là dans le Coran et dans la Sunna? Hein? Non, beaucoup d'entre les musulmans, ils ne savent pas. Et si tu leur demandes d'expliquer ça en détail et de clarifier la signification de ces choses-là, est-ce qu'il est capable? Il n'est pas capable. Même d'expliquer la signification du témoignage de la foi qui est la base de l'islam, la ilaha illallah, et beaucoup d'entre les musulmans, si tu leur demandes de l'expliquer, ils ne sauront pas l'expliquer parce qu'ils ne savent pas sa signification comme il faut. Et la simple raison pourquoi ils ne savent pas l'expliquer comme il faut, c'est parce qu'ils ne l'ont pas étudié. D'accord? Alors, c'est important d'apprendre ce livre, d'étudier ce genre de livre. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, فَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ فَهُوَ أَنْ يَعْرِفَهُ سُبْحَانَهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ. Donc, il dit, en ce qui concerne la connaissance du serviteur, la connaissance que le serviteur a de son Seigneur, comment il va le connaître? Comment tu vas connaître Allah? Comment tu vas faire pour le connaître? Eh bien, le cheikh dit, il y a deux moyens de connaître Allah. Le premier moyen, c'est par ses signes. Et quand on parle de ses signes, ça peut être ses signes dans la révélation, c'est-à-dire les signes, c'est-à-dire les versets, parce que le mot aya, ça veut dire signe, mais ça veut aussi dire verset. Et c'est comme ça qu'on appelle les versets dans le Coran, ayat. Et les ayat, c'est de deux types. Ayat, ça peut être des ayat dans la création, parce que la création d'Allah, c'est des signes pour nous, de son existence et de sa puissance et de sa science et de sa sagesse et de sa perfection. Et des signes dans la révélation. D'accord? Et le cheikh, il a distingué entre les signes et ses créatures. Qu'est-ce que ça veut dire, sa création? En observant qu'est-ce qu'il a créé. Donc, tu regardes les étoiles, le ciel, les astres et l'univers, comment il est immense. Et ça, ça te montre la grandeur. Hein? Comment Allah Azza wa Jal, il est immense. Hein? Et tu vois en même temps aussi sa force, sa sagesse, sa connaissance, sa perfection. Hein? Donc tous ces éléments-là, c'est des choses quand tu vois sa volonté. Hein? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui découlent de ces signes. Et c'est ainsi qu'on connaît Allah. Hein? Et c'est pour ça que le cheikh il dit ensuite, « Wa l'ayat tanqasimu ila qismain, ayatun shar'iyya wa qur'aniyya, wa hiya ayatul qur'an, wa ayatun kawniyyatun qadariyya, wa hiya allati ashara ilayha Allah, fi qawlihi ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi, wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. فبعد علم العبد ومعرفته لربه عز وجل فإنه بذلك تحتم على العبد توحيده لربه وإلهه الملك الحق المبين بأداء واجب العبادة له وحده سبحانه دون أحد سواه كائنا من كان لأنه هو الذي خلقك ورباك ورب جميع العالمين بنعمه ولذلك فهو المعبود الحق الذي ليس هناك معبود بحق سواه فالحمد لله رب العالمين. Donc les signes d'Allah sont divisés en deux catégories. Les signes qu'on retrouve dans la révélation et qui sont des signes coraniques, hein? Et ça c'est tous les versets qu'on retrouve dans le Coran, hein? Dans ces versets là Allah Azza wa Jal, il nous révèle sa personne. Il nous fait connaître ses noms. Il nous fait connaître ses attributs. Il nous fait connaître ses actions. Hein? Donc, en lisant le Coran, on apprend à connaître Allah Azza wa Jal. On apprend à le connaître par la révélation. Et également, parmi les signes, il y a les signes dans la création. Et Allah Azza wa Jal, il fait référence, et il fait allusion à cela dans plusieurs versets dans le Coran où il parle de sa création, il parle des cieux, il parle du soleil, il parle de la lune et de yani, la succession. Hein, comment le jour succède à la nuit et la nuit succède au jour et comment yani, les saisons changent et le temps, le soleil, la lune, les étoiles, la nature, les montagnes, les océans, les arbres, toutes les créatures d'Allah, les animaux, même les êtres humains. La personne elle-même, quand elle regarde comment Allah a créé son corps, comment Allah Azza wa Jal a créé tous ses organes, comment il est composé, de quelle origine il a été créé, à partir d'une goutte de sperme jusqu'à ce qu'il se développe dans le ventre de sa mère et qu'il traverse plusieurs étapes de maturation à l'intérieur du ventre de sa mère dans l'utérus et il devient yani, un embryon et il commence à grossir plus en plus les membres et les organes de son corps commencent à se créer à l'intérieur du ventre de sa mère et les yeux, le cœur, les poumons, les reins, le foie, tous ses intestins, ses bras, ses jambes, toutes ces choses-là, son cerveau, tout ça, ça se développe. Qui est-ce qui crée ça? Qui est-ce qui fait ça avec toute cette perfection-là? Les nerfs, les veines, chaque organe est connecté par un réseau de veines qui fait circuler le sang dans le corps au complet. Et dans ce sang, il y a le carburant, l'énergie, les nutriments nécessaires et l'oxygène nécessaire pour faire fonctionner chaque petite partie, en commençant par le petit orteil jusqu'au cerveau. Tout ça, ça circule en harmonie, et le sang qui yani, se recharge à chaque pulsation du cœur, et qui s'approvisionne en oxygène et qui rejette les déchets, le CO2, tout ça, c'est expulsé. C'est des déchets que le corps rejette Sans parler des choses que lorsqu'on mange, hein, tout le système de la digestion, à partir du moment que tu manges, tout ce que tu manges, ça descend dans le tube digestif et les nutriments qui sont absorbés et tous les déchets et les choses inutiles qui sont expulsés du corps. Ça, c'est une machine merveilleuse. Même les êtres humains aujourd'hui, ils ne peuvent pas, bien entendu, créer une machine aussi parfaite. Ta main, le mécanisme, tous les mécanismes qui sont impliqués juste dans le fait de fermer tes doigts et de les ouvrir, tes genoux, hein, quand quelqu'un il a des problèmes aux genoux et qu'on doit réparer ça ou qu'on doit remplacer le genou, les hanches, c'est tellement compliqué. Et toutes les ingénieurs qui essaient de fabriquer des pièces, hein, pour essayer de ressembler un petit peu à qu'est-ce qu'un genou peut faire, ou qu'est-ce qu'un poignet peut faire, ou qu'est-ce que les hanches sont capables de faire, ils constatent à quel point la complexité, comment le corps est fabriqué. Et ça, il n'y a personne qui peut faire ça, excepté Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin. Et les matériaux avec lesquels Allah Azza wa Jal nous a créés, les os qui sont solides et qui sont en même temps assez légers pour que ce ne soit pas trop lourd pour notre corps et en même temps assez solide pour que ça ne se brise pas aussi facilement. Yani, nos yeux et comment yani, la lumière est captée et ensuite avec des influx nerveux à partir de la rétine et tout ça qui est transformé en des yani, signaux que notre cerveau déchiffre, hein? L'odorat, le son. Hein? Aujourd'hui, on a des micros avec des haut-parleurs pour retransmettre la voix et pour enregistrer. Allah Azza wa Jal, hein? Il n'y a pas de métal là-dedans, il n'y a pas de, hein, de partie plastique, rien. C'est tout organique. Et Allah Azza wa Jal, il a créé ça à partir de tout ça. Maintenant, sans parler de ton esprit, comment Allah Azza wa Jal, il a créé, regarde. Tu peux fermer tes yeux et tu peux voir. Hein, toi, tu viens du Mali. Tu peux voir le Mali en fermant ta tête, en fermant tes yeux. Tu fermes tes yeux et tu regardes et tu vois la rue devant chez toi. Et tu vois le paysage. Hein, et tu vois les voitures qui passent, tu imagines, et tu vois le visage de tes proches, de ta famille. Et tout ça, pourtant, il n'y a rien, mais tu l'imagines seulement dans ta tête. D'où viennent ces images? Et comment ton cerveau est capable d'enregistrer ces images-là? Est-ce que tu as un magnétoscope dans ta tête? Est-ce que tu as une caméra vidéo dans ton cerveau? Allah Azza wa Jal, il nous a donné tous ces moyens, toutes ces capacités-là. Qui est-ce qui a créé ça? Alors que pour être capable d'utiliser, de créer des appareils comme on a maintenant les téléphones qui sont capables de faire toutes sortes de choses, combien d'ingénieurs ont travaillé pour arriver à fabriquer ce téléphone intelligent, soi-disant, hein? Tout le travail et l'évolution de la connaissance des hommes qui ont permis d'arriver à être capable de fabriquer cette petite appareil-là. Malgré ça, le téléphone n'est pas capable de marcher tout seul, de parler par lui-même, de réfléchir par lui-même. C'est un objet, hein? Il n'a pas de vie, il n'est pas vivant. Mais l'être humain, lui, il est vivant, il a toutes ces capacités-là. Qui a donné la vie, hein? Parce que si tout ce que je viens de mentionner par rapport à la création du corps humain, je n'ai même pas parlé de la cellule, je n'ai même pas parlé du code d'ADN, hein, qui est dans chacune de ces cellules-là. Et chaque cellule qui vient d'une cellule souche à l'origine et qui est transformée, hein, en une cellule particulière, avec une tâche particulière, selon son travail, selon son rôle, selon l'endroit où elle va être placée dans le corps. Peut-être que ça devient une cellule de la peau, peut-être que ça devient une cellule osseuse, peut-être que ça devient une cellule yani, du tube digestif, une cellule du foie, une cellule du cerveau. Chacune de ces cellules-là, elle a un rôle différent. Pourtant, elles viennent toutes d'une seule cellule qu'on appelle la cellule souche, qui à la base n'a pas de fonction. Hein? Mais qu'est-ce qui lui donne ce signal pour qu'elle se transforme et qu'elle ait ce rôle et cette fonction-là? Est-ce que tu vas me dire que tout ça s'était créé par hasard? Et que c'est arrivé et que c'est les résultats de ce qu'on appelle le Big Bang? et que l'être humain est une évolution comme ça, hein, qui est arrivée par chance, comme le disent les athées et les mécréens, et les koufars, et les matérialistes, et les communistes. Hein? Donc ça, c'est absurde de penser une chose pareille. Hein? C'est absurde de penser une chose pareille. Exactement. Exactement. L'être humain, il ne fait que transformer la chose que Allah a créée pour fabriquer d'autres choses avec. Donc, tandis que Allah Azza wa Jal, il crée à partir de rien, à partir du néant. Il fait apparaître la matière à partir de rien. L'être humain n'est pas capable de faire ça. Ça, c'est évident. Hein? Et qu'est-ce que l'être humain crée? Même, on dit que c'est créé, mais en réalité, c'est transformé. Qu'est-ce qu'il fabrique? Hein? C'est des choses qui sont inertes. L'être humain est capable de fabriquer plein d'objets, plein de choses. Mais est-ce qu'il est capable de faire vivre ce qui ne vit pas? Est-ce qu'il est capable de faire vivre ce qui est mort? Non. Un corps est un être humain, même le plus intelligent de tous les êtres humains. Hein? Parmi les prix Nobel et les grands cerveaux de l'humanité. Quand il meurt, qu'est-ce qu'il devient? Il devient de la terre. Il se décompose. Et il devient de la terre quand on le met dans la terre. Alors, c'est quoi la différence entre ce corps-là, quand il est mort, il devient de la terre, alors qu'auparavant, quelques instants avant sa mort, il était encore vivant et il parlait, il réfléchissait, il bougeait, il interagissait avec son environnement et avec les gens. C'est quoi la différence entre les deux? C'est l'âme. Mais l'âme, personne encore ne sait la définir. Hein? Quel est son poids, quelle est sa masse, quelle est sa forme, quelle est son essence? De quoi elle est faite, hein? Où est-ce qu'elle se trouve dans le corps humain? Est-ce qu'un scientifique a été capable de faire ça? Même s'ils ont disséqué un être humain de la tête aux pieds, même les animaux, ils peuvent les couper, les rats dans les laboratoires, ils les coupent, hein? Ils les ouvrent, ils regardent partout pour savoir qu'est-ce qui fait vivre ce rat, qu'est-ce qui fait vivre cet animal. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore été capables d'isoler l'âme. Parce que ça, c'est l'âme, c'est la science, ça vient de la science d'Allah. Et Allah, il a dit dans le Coran, « يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. » Il te demande à propos de l'âme. Dit, l'âme vient du commandement de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu de la science que très peu de science. Et c'est là que tu vois la limite de l'être humain, hein, dans qu'est-ce qu'il a comme capacité et connaissance de comprendre son environnement, de comprendre la création. Hein. Tout ça, c'est des choses qui doivent rendre l'être humain plus humble encore. Plus humble encore devant tout ça. Et l'amener à une chose importante, parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il dit, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Il dit, nous allons leur faire voir, hein, nos signes, فِي الْآفَاقِ, hein, dans la création, et en eux-mêmes, même dans leur propre personne, jusqu'à ce qu'il devienne clair pour eux que c'est la vérité, que cette révélation, que cette religion, que ce Seigneur qu'on adore, que ce messager que Allah a envoyé, que ça, tout ça, c'est la vérité. Et il dit, le cheikh, donc le serviteur, il a besoin de cette science. et de connaître son Seigneur, parce que c'est une connaissance essentielle. Il ne peut pas l'ignorer et la négliger. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui mettent de l'importance sur toutes sortes de choses, de connaître toutes sortes de choses. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses dans le monde à apprendre. Et si tu veux essayer d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans le monde, ça te prendrait peut-être 1000 vies. Et même encore là, tu n'aurais pas fini d'apprendre parce que la science, elle n'a pas de fin. Mais c'est pour ça qu'il faut prioriser, ou bien, disons, donner des priorités à la science, dans les sciences. Parce que ce n'est pas toutes les sciences qui sont aussi importantes. Il y a des sciences plus importantes que d'autres. Et, par exemple, apprendre à fabriquer du pain, c'est très important pour savoir comment, hein, pour manger. Tu dois savoir la recette, d'accord? Mais il y a une recette aussi, yani, comment faire, par exemple, pour fabriquer plein d'autres choses qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Mais toutes ces connaissances-là, ce n'est pas ces connaissances-là qui pourront t'aider si, lorsque tu meurs, quand tu vas être ressuscité devant ton Seigneur. Hein? Parce que on est créé dans ce bas monde pour être éprouvé et pour être testé par Allah. Et pour réussir ce test, il faut commencer par connaître notre Seigneur. Parce que n'importe quel être humain qui vit et qui vient dans ce bas monde, il doit se poser la question: pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur terre? À quoi ça sert cette existence? Hein? Tu viens au monde, tu sors du ventre de ta mère, tu ne sais rien. Allah, il dit dans le Coran, vous sortez du ventre de vos mères, vous ne savez rien. Hein? Et tu regardes les cieux, et tu regardes le soleil et la lune, et les arbres, et les animaux, et la créature, et les autres hommes, et les océans, et le vent, et les tonnerres, et les éclairs, et tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on est là? Et les gens, ils vivent et ils meurent. Et les bébés naissent. Et il y en a d'autres qui sont enterrés et il y en a d'autres qui naissent. Ça veut dire quoi tout ça? Ça sert à quoi? On va où? Et on vient d'où? Avant de venir sur terre, avant de venir au monde, on était où? Et quand on va mourir après la mort, on s'en va où? Ça, c'est des questions. Tous les êtres humains sur terre, ils doivent se poser cette question. Hein? Ils doivent obligatoirement se poser cette question-là. Parce que si tu n'as pas trouvé la réponse à ces questions, alors à quoi ça sert de vivre? Et qui peut décider comment les autres doivent vivre si on n'a pas compris le but de l'existence? Et pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés? Donc toutes ces questions-là sont fondamentales. Et alhamdoulilah, l'islam nous a donné la réponse à ces questions. D'accord? Et c'est pour cette raison-là que c'est fondamental aux musulmans d'étudier ces réponses-là. Et de comprendre comme il faut la réponse. Parce que Allah Azza wa Jal, il a envoyé des messagers. Il a envoyé des livres pour faire savoir aux créatures pourquoi ils vivent. Et c'était quoi le but de leur existence sur terre. Sinon, on serait tous dans l'ignorance et on serait tous perdus. On serait complètement égarés. Mais Allah Azza wa Jal, il n'est pas un Seigneur qui est indifférent. Et c'est un Seigneur qui est miséricordieux. Et c'est un Seigneur qui est doux. Et c'est un Seigneur qui est sage. Hein? C'est-à-dire, il est sage dans le sens que tout ce qu'il fait, il y a une sagesse derrière. Il y a une raison derrière. Il y a un objectif et un but précis et clair. Et qui est basé sur la vérité derrière. Chaque chose qui se passe dans l'univers, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans quoi que ce soit de ce que Allah a créé. Et c'est un Seigneur qui est juste. C'est un Seigneur qui est juste et qui a la connaissance infinie de toutes choses et une connaissance parfaite de tout. Alors, Allah Azza wa Jal, quand on sait ça de lui et quand on sait qu'il est comme ça, qu'il est tout puissant, hein, qu'il a une volonté, hein, et qu'il est miséricordieux, eh bien, on ne peut pas imaginer qu'un Seigneur comme celui-là va créer tout ça et va créer les hommes et il va les laisser errer dans le néant et dans l'égarement sans leur donner une source de lumière, une guidance pour les éclairer et leur expliquer le but et la raison pour laquelle il les a créés sur terre. Parce que ça, ce serait contraire à sa sagesse. Ce serait contraire, hein, à sa miséricorde. Ce serait contraire à sa justice. D'accord? Donc, si tu es convaincu en Allah Azza wa Jal et en son existence, tu dois être convaincu également qu'il ne va pas laisser les hommes dans l'égarement et dans l'ignorance. Il doit leur donner une source de guidance. Hein? Et il y a une sagesse dans le but de la création. Donc, tout ce qu'on obtient en observant les signes d'Allah dans la création et dans la révélation, tout ça a un seul but, c'est de nous amener à établir l'adoration de ce Seigneur pour que tu l'adores. Parce que l'adoration, c'est la plus grande obligation que le serviteur a une fois qu'il a compris qui est son Seigneur. Il doit l'adorer parce que c'est le but de son existence. Allah Azza wa Jal, il dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est le but même de l'existence, c'est l'adoration. Et ça, ça implique de comprendre donc que, étant donné que c'est lui le seul maître, le seul roi, la seule divinité, le seul seigneur, le seul créateur, le seul pourvoyeur de subsistance, le seul qui contrôle tout dans l'univers, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, puisque c'est lui qui est le seul dans tout ça, il n'a pas d'associé dans quoi que ce soit de l'univers, même pas un atome. Il n'a même pas un associé dans la création d'un seul atome de l'univers. Tout lui appartient à lui seul. Et par conséquent, toute l'adoration lui revient à lui seul et lui est exclusive. Si quelqu'un adore quelque chose, quoi que ce soit, et quiconque en dehors de lui, il a manqué à son droit. Il a brimé ce créateur dans son droit exclusif à l'adoration. Et peu importe qu'est-ce que tu peux adorer, parmi ce que les mouchriquins et les koufars adorent dans la création, ils adorent quoi? Ils adorent tout. Ils adorent n'importe quoi. Parmi les koufars et les mouchriquins, il y en a qui adorent des astres, le soleil. Ils voient la chaleur, la grosseur du soleil, la chaleur du soleil et la lumière du soleil. Alors ils disent, ça c'est une divinité. Et il y en a d'autres qui adorent la lune et ils pensent que c'est une divinité. Il y en a d'autres qui adorent les étoiles et des différentes constellations et différents astres et ils les adorent en dehors d'Allah. Hein? Il y en a d'autres qui même créent des images ou des statues de représentation d'étoiles. Ils disent c'est des hommes, mais qui sont des représentants de ces étoiles sur terre et ils les adorent en dehors d'Allah. Comme le peuple d'Ibrahim, alayhi salam, ils adoraient des statues qu'ils considéraient comme étant des représentations des astres. Et ils croyaient que les astres étaient des êtres célestes, hein, des dieux tout-puissants. Chez les Grecs et chez les Romains, la même chose. Jupiter et Zeus, et Neptune, et Poséidon, et des femmes aussi, des noms de femmes. Il y avait Vénus, et tous ces noms-là, en fait, c'est des noms d'astres qui ont été donnés justement aux astres qu'on connaît. Eh bien, c'était des divinités pour eux. Ils les adoraient, hein, en dehors d'Allah. Ils leur offraient un culte. Hein? Il leur offrait de l'adoration en dehors d'Allah. Hein? Chez les Égyptiens de l'Antiquité, la même chose. Osiris, Isis, hein? Et il y en a plein d'autres noms comme ça aussi. Et en Inde, aujourd'hui encore, ils adorent des milliers de statues d'idoles et des dieux, les dieux en forme d'éléphants. Hein? Il y a un dieu qu'ils adorent, ils appellent Ganesh. C'est un bonhomme avec une tête d'éléphant. C'est le fils de, je pense, le fils de Rama avec Vishnu. Et il y a aussi un dieu qu'ils adorent qui en singe. Je pense qu'il s'appelle Uniman ou quelque chose comme ça. Hein? Et un autre dieu qu'ils adorent aussi, en forme de rat. Et ils ont des temples là-bas en Inde où ils adorent le dieu rat et ils nourrissent les rats, ils les laissent. Hein? En liberté, ils adorent la vache aussi. Hein? Ils prient les vaches et ils interdisent aux gens de manger de la vache. Et même, ils mangent les excréments et l'urine des vaches. Hein? Et il y en a d'autres qui adorent, donc, comme je dis, aussi des prophètes. On voit l'exemple des chrétiens qui prient à Jésus, qui adorent Jésus. Et en même temps, qui adore sa mère, Mariam, qui la prennent parfois même pour une déesse. Parce que tu regardes chez les chrétiens et ils prient à Marie comme si c'était une déesse. Hein? Et ils disent même Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'elle est la mère de Dieu. Dieu a une mère. Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas été créé. Il a tout créé, ce qui existe. Et il n'est pas engendré et n'a jamais engendré non plus. Parce que il n'a pas d'épouse. Il n'a pas besoin d'épouse. Il n'a pas de fils ni de fille parce qu'il n'a pas besoin d'enfants. Ça, c'est des choses animales que les êtres humains et les animaux font de se procréer entre eux, hein, pour avoir une progéniture, pour avoir une descendance. Pour pouvoir continuer le travail après la mort, on dit nos enfants continuent notre travail hein, après nous et ils portent notre nom et ainsi de suite. Allah n'a pas besoin de ça parce qu'il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc, ça c'est un exemple parmi les exemples de qu'est-ce que les koufars adorent. Ils ont aussi parmi les exemples des exemples de choses qu'ils adorent. Ils adorent des prophètes, ils adorent aussi des hommes pieux, des femmes pieuses, et parfois ils adorent aussi des saints, hein, des gens qu'ils appellent des saints. Ils disent, on les prend comme des intercesseurs et des intermédiaires entre nous et Dieu. Ça aussi, c'est une forme de shirk. Hein. Ils adorent également des roches, des pierres, des arbres. Hein, ils considèrent que ça, c'est des manifestations de certaines forces ou de certaines choses qu'ils prennent comme des objets d'adoration. Ils adorent aussi parfois des tombeaux, des tombes. Hein. Ils adorent parfois également aussi des djinns, des esprits ou des choses qu'ils considèrent, par exemple, des êtres invisibles comme les djinns, hein, qu'ils adorent aussi. En dehors d'Allah, dans certains peuples, ils adorent les ancêtres et ils offrent un culte à leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Ils vont leur faire des sacrifices, ils vont leur offrir de l'adoration, des prières, ils demandent la protection. Tout ça, c'est des exemples de shirk aussi. Donc, quiconque a offert une forme quelconque d'adoration à n'importe quelle de ces choses, n'importe quelle des créatures. Il y a même des mouchriquins parmi les koufars, comme les hindous par exemple et d'autres, qui considèrent que tout ce qui existe est Allah. Et que Allah est tout et qu'il est dans tout. Alors eux, ils se disent, puisque Dieu est tout et qu'il est en tout, on peut l'adorer à travers toute sa création. que ce soit une statue, une idole, une bouteille, un téléphone, n'importe quoi. Hein? Donc ça, c'est un exemple aussi de qu'est-ce qu'ils appellent les koufars le panthéisme. L'idée que tout ce qui existe est Dieu. Donc ces gens-là, ils sont encore plus graves dans le shirk parce qu'ils adorent n'importe quoi et ils peuvent tout adorer puisque pour eux, tout est Dieu. Et tu trouves même chez les hindous, eux, ceux qui adorent par exemple les organes génitaux de leur Dieu. Le lingam, chez les hindous, ils adorent lingam. Lingam, un signe, c'est un genre de phallus, hein, ou un symbole phallique. Ils adorent ça et ils offrent un culte, hein, en versant du lait par-dessus, hein, et en mettant toutes sortes de d'huile et des parfums et des fleurs, toutes sortes de choses, et ils prient à ça. Hein. Ils disent ça, c'est pour célébrer la la fécondité et le fait de la procréation et la vie, et ainsi de suite. Et le yogi aussi, c'est quoi le yogi? C'est l'organe femelle, hein, l'organe sexuel femelle, et ils adorent ça. Donc, tout ça pour dire que les mouchriquins, les koufars, ils ont toujours une justification ou une certaine logique qu'ils essaient d'inventer dans le but de justifier le shirk qu'ils font. D'accord? Et les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient des statues et des idoles, mais ils disaient en même temps qu'ils adoraient Allah. Hein? Parce que Allah, il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Hein? Pourtant, ils prient à des statues et des idoles. Donc, il y a des chercheurs parmi les koufars aujourd'hui, des archéologues, hein? Aussi des historiens et des sociologues qui font des études de l'histoire et des religions. Et eux, étant donné qu'ils n'ont pas de connaissance réelle de la réalité de l'islam quand ils étudient, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de chercher des traces archéologiques de certaines pratiques, de certaines croyances. Et quand ils trouvent des choses, ils essaient ensuite de l'interpréter. Alors, en cherchant un peu en arabique, pour essayer de découvrir c'était quoi les croyances religieuses des Arabes avant l'islam. Ils cherchent des trucs, puis là, ils trouvent des choses qui disent « Ah, mais finalement, ils croyaient en un Dieu unique, ils croyaient en Allah. » Donc, ils n'étaient pas des soi-disant, comme entre guillemets, des polythéistes. Hein? Ils disent que c'était finalement des monothéistes. Théos qui veut dire Dieu et mono qui veut dire un, poly qui veut dire plusieurs et théiste qui vient de théos qui veut dire Dieu. Mais cette appellation mono et poly, hein, c'est vraiment vague. Et si on ne comprend pas le tawhid comme il faut, on ne va pas être capable de comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de qu'est-ce que c'est vraiment le monothéisme et le polythéisme. Pourquoi? Parce qu'un polythéiste peut être monothéiste et un monothéiste peut être polythéiste en même temps. Et là, l'exemple de ça, c'est quoi? C'est les mouchriquines des Arabes. Les Arabes qui priaient à des idoles. Et pourtant qu'ils croyaient en Allah et que Allah était le créateur. Donc, comment expliquer ça? Eh bien, parce que en islam, quiconque offre un culte à quoi que ce soit ou à quiconque autre que Allah, il est un mouchrik, même s'il prétend croire à un Dieu unique. C'est pour cette raison que les chrétiens aujourd'hui se considèrent monothéistes, alors qu'ils adorent Jésus, Marie et les saints, et ils prient à des croix, hein, et ils se confessent à des prêtres, et ainsi de suite. Malgré ça, ils se disent monothéistes. Nous, on dit non. Ça, c'est pas du monothéisme. Parce que si ça, c'est du monothéisme, alors qu'est-ce qui le distingue de qu'est-ce que font les hindous? Les hindous aussi, pris à des multitudes de divinités et à des statues et à des images et à des croix, hein, ou à des idoles. Et vous, les chrétiens, vous dites que vous êtes monothéistes et vous faites la même chose qu'eux. Donc, où est-ce qu'il est le monothéisme dans ce cas-là? Et si vous dites que Dieu s'est incarné en Jésus, eh bien, les hindous disent que Dieu s'est incarné en Vishnu ou en Krishna ou en Rama ou en d'autres divinités, en d'autres êtres humains. Alors, il n'y a aucune différence entre vous et eux. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de distinction entre un monothéiste et un polythéiste, si c'est ça le cas. C'est pour cette raison-là que pour nous, les musulmans, et selon la notion du tawhid qu'on a, qui est la croyance et la pratique de tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité, depuis Adam, en passant par Noé, en passant par Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, Salomon, David, hein, Jésus, tous les prophètes, jusqu'à le dernier d'entre eux qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous enseigné à l'humanité qu'il fallait uniquement adorer Allah et vouer un culte à Allah seul. Et que quiconque adore quoi que ce soit autre que Allah, il n'est pas monothéiste. C'est un mushrik, kafir, hein, mécréant, idolâtre et païen. Il est quelqu'un qui offre à Allah ou donne à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration. Ça, c'est le plus grand péché de tout, de tous les péchés. Donc, le seul qui mérite d'être adoré, et on va conclure ici, on va expliquer ça, on va finir rapidement. Le seul qui mérite ton adoration, c'est Allah, parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a créé, qui t'a donné ta subsistance, qui te fait vivre, qui te fait mourir. Et qui contrôle tout ce qui existe dans l'univers. C'est lui le maître de toutes choses et il a comblé toutes choses de ses grâces. Donc c'est pour cette raison-là qu'il est la seule divinité véridique qui mérite uniquement d'être adorée. Et c'est lui seul qui mérite d'être adoré pour ces raisons-là. Hein? Parce que c'est lui seul le maître. Et c'est pour ça qu'on dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, parce que c'est lui le maître de toutes choses. En ce qui concerne la connaissance de la religion, eh bien, le cheikh, il dit, je sais que on a presque terminé, donc, le cheikh, il dit, « Wa amma ma'rifatu d-din, wa huwa an ta'rifa d-din al-islam bil-adilla, wa huwa l'istislamu lillahi bitawhidihi, wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu wal-khulus min al-shirki wa ahlihi, wa huwa thalathu maratib al-islam, فالإيمان فالإحسان وكل مرتبة لها أركان كما جاءت مفصلة في حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والإحسان الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم وأبو داود والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله بعثه الله عز وجل ليدل الناس على طاعة ربهم ويبين لهم كيف يعبدونه ولا يشركون به شيئا وأما نسبه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب المستعربة والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. Ok, donc ça, on va traduire et puis on termine, inshallah. Le cheikh explique que la connaissance de la religion, ça c'est la deuxième chose qui est obligatoire à chacun de connaître. Et la définition de cette religion, c'est, premièrement, c'est l'islam. C'est la religion de l'islam qu'il faut connaître avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et ça consiste à te soumettre à Allah en établissant son unicité, c'est-à-dire unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs, et également dans son adoration, en ne vouant de culte et d'adoration que à lui seul, c'est-à-dire ton amour, ta crainte, ton espoir, ton humilité, ta confiance, ta repentance, ta demande de l'aide, ta demande de secours, ta demande de refuge, le fait de sacrifier ou de faire des vœux pieux, de faire des prières, de faire des invocations, hein, d'implorer la détresse et le secours, que d'Allah seul. Toutes ces adorations doivent être pour lui seul. Et de ne rien vouer des adorations, hein, à quiconque en dehors d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et ensuite, yani, de comprendre aussi que tu dois lui obéir dans qu'est-ce qu'il a ordonné. Et qu'est-ce qu'il a ordonné dans sa révélation, le Coran, et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de te désavouer de ceux qui adorent quelque chose d'autre que Allah, ou qui associent avec Allah dans leur adoration, et de te désavouer de ce qu'ils adorent, hein, et du shirk, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah dans l'adoration. Et la religion de l'islam, elle est basée sur trois degrés. L'islam, qui est la soumission dans les piliers de l'islam et les actes physiques, ça veut dire le témoignage de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah, les cinq prières par jour, le jeûne du ramadan, la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Et ensuite, il y a l'iman, hein, les piliers, le degré de la foi, l'iman, et c'est de croire en Allah, de croire en ses messagers, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire en le jour dernier et de croire en la prédestination. Hein? Et ça, c'est les six piliers de la foi. Et le troisième degré, c'est al-ihsan, c'est-à-dire yani, l'excellence dans l'adoration et d'adorer Allah Azza wa Jal avec excellence et avec le fait d'être conscient qu'il t'observe, qu'il te regarde, ou comme si toi tu étais en train de le regarder ou de le voir. Hein? Donc ça, c'est le degré de la perfection et de l'excellence dans l'adoration. Et c'est un degré supérieur. Et chacun de ces piliers-là, hein, de ces degrés-là, ont des piliers, comme on l'a expliqué rapidement. Et tout ça, c'est détaillé dans le hadith de la question de Jibril lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, on aura l'occasion, inshallah, de l'expliquer plus en détail. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans ce hadith qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est al-iman et qu'est-ce que c'est al-ihsan, comme c'est rapporté le hadith dans al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Et d'autres également l'ont rapporté ce hadith-là. Et il est rapporté selon Omar ibn al-Khattab, le deuxième khalifa de l'islam, un des plus grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la connaissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, ça fait partie des trois fondements. Et on doit connaître ce prophète-là, c'est très important de le connaître, parce que c'est le dernier des messagers que Allah a envoyé à l'humanité. Et si quelqu'un croit en quelqu'un après lui qui serait venu comme étant un prophète, alors ça veut dire qu'il ne peut pas être considéré musulman à ce moment-là, parce que de croire en la finalité de la révélation par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça c'est un élément fondamental dans la croyance du musulman. On n'a pas le droit de croire que quelqu'un après lui peut recevoir une révélation de la part d'Allah, parce que c'est le dernier messager. Et si quelqu'un dit j'ai une révélation divine, ou Allah m'a révélé quelque chose, ou les anges viennent me révéler des choses après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ces gens-là sont des faux prophètes, des dajjal, comme on les appelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il y allait avoir des faux prophètes après lui, et de se méfier de ces gens-là. Donc, son nom, c'est Mohammed, le fils de Abdullah. Et Abdullah, c'est le nom qui signifie serviteur et esclave d'Allah. Abd, ça veut dire esclave, serviteur. Et quand on dit donc que quelqu'un, il est Abdullah, ça veut dire qu'il est le serviteur et l'esclave d'Allah. Et par conséquent, tous les musulmans sont des esclaves d'Allah. Donc, ils sont tous Abdullah. On est tous Abdullah, dans le sens qu'on est des esclaves et des serviteurs d'Allah. Et par conséquent, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même est un serviteur d'Allah, un abd d'Allah. Et c'est pour cette raison que beaucoup de musulmans s'appellent Abdullah et d'autres s'appellent Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Yani, Abdul Azim. Tout ça, c'est des noms d'Allah. Donc, on est le serviteur d'Allah. Hein? Et le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Et ça, c'est un nom qu'il avait. C'est la preuve que même avant l'islam, les Arabes connaissaient Allah. Hein? Même avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes connaissaient Allah. Parce que même les chrétiens arabes, même les juifs arabes, quand ils parlent entre eux, quel mot ils utilisent pour dire Dieu? Ils disent Allah. Les chrétiens arabes, ils disent Allah. Les juifs arabes, ils disent Allah. Hein? Et même dans l'hébreu, hein, un des noms que les hébreux utilisent pour décrire ou pour dire Allah, ils l'appellent Eloh. Eloh, c'est Allah. Na'am. Donc, c'est un nom qui est connu. C'est pas un nom inventé. Et souvent, il y a des protestants ou des chrétiens qui essaient de prêcher le christianisme aux musulmans. Ils leur disent « Allah, c'est une fausse divinité que les Arabes adoraient avant l'islam. » Non, c'est faux. Allah, c'est le nom de Al-Ilah, la divinité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, le Créateur, le Maître Tout-Puissant, le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ça, c'est son nom, Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc le messager d'Allah et son messager. Allah l'a envoyé pour guider les hommes vers l'obéissance de leur Seigneur et pour leur clarifier comment l'adorer et leur enseigner de ne rien associer à lui dans l'adoration et dans la croyance. Et sa généalogie, de qui est-il descendant? Il est descendant du prophète Ibrahim alayhi salam par son fils Ismaïl. Ismaïl qui est le père des Arabes arabisés, parce que les Arabes sont de deux catégories. Hein? Al-Arab al-Ariba et Al-Arab al-Musta'araba. Il y a deux types d'Arabes. Les Arabes arabisants, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine arabisants, et les Arabes qui ont été arabisés. D'accord? Et donc Ismaïl, qui est descendant d'Ibrahim, Ibrahim qui vient d'une région en Irak, hein, dans la Mésopotamie, donc à l'origine, eux, leur langue, ce n'était pas l'arabe. D'accord? Mais Ismaïl, alayhi salam, quand il est né, on l'a laissé avec sa mère, Hajar, dans la péninsule arabe, il a été par la suite... il a grandi parmi les tribus arabes et donc il a appris la langue, il s'est marié avec une femme parmi les arabes et donc de sa descendance, après plusieurs générations, il y a eu la tribu de Quraysh et parmi cette tribu, il y a eu Hashim et Hashim, il a eu un de ses fils qui s'appelait Abdul Muttalib et un des fils d'Abdul Muttalib, c'était Abdullah. Et un des fils d'Abdullah, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la généalogie un peu résumée de notre prophète, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un des descendants d'Abraham, justement. Et Abraham, c'est lui qui a construit la Kaaba à la Mecque. Hein, et c'est la première maison qui a été adorée, qui a été créée ou construite pour adorer Allah Azza wa Jal dans cette région-là, ou bien à cet endroit-là. C'est l'endroit dans lequel tous les musulmans, chaque année, ou pas tous les musulmans, mais une grande portion des musulmans, chaque année, vont faire le pèlerinage. Il y a des millions de musulmans chaque année qui vont faire leur pèlerinage à la Mecque, et c'est une chose obligatoire pour chaque musulman qui a la capacité, il doit le faire au moins une fois dans sa vie, aller à la Mecque pour faire son pèlerinage. Donc ça, c'est qu'est-ce qui termine la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Et on a terminé donc l'introduction. Et Inch'Allah, on va continuer, bi'idhnillah, avec les autres points qui ont été clarifiés dans ce livre. Et il y a beaucoup de choses vraiment importantes. qu'on va étudier dans les cours précédents, dans les cours qui vont suivre, pardon. Et donc, essayez de réécouter les cours lorsqu'ils vont être sur le site, si vous avez manqué certaines informations, ou si j'ai mentionné des choses trop rapidement, ou si certaines choses qui vous ont échappé. Vous pourrez réécouter les cours par la suite, Inch'Allah, parce que tout ça c'est enregistré, bi'idhnillah. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.